Chanter, c'est un sport. Chronique numéro 1 par Didier. Voici la routine complète. On ne sprinte pas sans s'échauffer. On ne chante pas sans préparer ses muscles. Pour préparer sa voix de manière optimale, il faut voir cela comme un entraînement de sportif. L'hydratation, c'est le carburant de la voix. Contrairement aux idées reçues, boire un verre d'eau juste avant ou pendant le chant ne suffit pas. L'hydratation interne, la vraie. Il faut environ 2 à 3 heures pour que l'eau absorbée hydrate les muqueuses des cordes vocales. Quand on boit l'eau, elle descend dans l'œsophage vers l'estomac. Les cordes vocales, elles, sont situées dans le larynx, un peu plus haut. L'hydratation se fait par le sang qui distribue l'eau aux organes. Les cordes vocales sécrètent alors un mucus fluide et protecteur. Les cordes bien hydratées vibrent plus facilement, elles demandent moins d'efforts et résistent mieux à la fatigue. Le corps a besoin de temps pour assimiler l'eau. Boire pendant l'effort, c'est utile, mais pour d'autres raisons. Boire entre deux titres, deux morceaux, ça sert à humidifier la bouche et le pharynx, éviter la sensation de bouche pâteuse, détendre les muscles de la déglutition, calmer une tension naissante. Les règles d'or à faire, boire de l'eau plate, température ambiante, par petites gorgées. À éviter, eau glacée qui tétanise les muscles, les eaux gazeuses qui donnent des ballonnements, du reflux, et les boissons sucrées. Le faux ami, le fameux rhum citron, classique des loges, mais piège pour l'artiste. L'alcool est diurétique, il assèche les muqueuses. Il a un effet anesthésiant, on ne sent plus la fatigue. Le citron est très acide, il attaque le mucus protecteur. L'alcool relâche le sphincter de l'œsophage et il favorise le reflux. Les remontées acides irritent l'arrière des cordes vocales. Des cordes sèches frottent davantage, irritation, raclement, voix voilée. Le chant demande des cordes parfaitement lubrifiées par une fine couche de mucus. Le secret des pros, c'est la vapeur. La nébulisation ou la vapeur d'eau chaude hydrate directement les muqueuses. Action immédiate, ultra efficace, idéale avant un concert ou une récupération ou en récupération. La préparation du corps et de l'esprit. Le chanteur ne tient pas son instrument, il est son instrument. Si le corps est verrouillé, le diaphragme se bloque, la gorge serre, l'esprit panique. En libérant le corps, on libère l'émotion et la colonne d'air. Une petite routine d'échauffement complète, 30 minutes. C'est la libération de l'ancrage et du tronc, environ 10 minutes. L'objectif est de déverrouiller la pompe respiratoire. Travail sur le bassin, mouvements latéraux ou avant-arrière, 2 minutes. Le torse, mouvement circulaire, de droite à gauche, de gauche à droite. Travailler les intercostaux, étirements latéraux, à droite, puis à gauche, pendant 2 minutes. Les épaules, rotation extérieure, 2 minutes. Le cou, la tête, mouvement lent, en haut, en bas, et de droite et de gauche. On va aller travailler le diaphragme pendant environ 7 minutes. On prépare le muscle principal de la voix. Massage sous les côtes, intercostal, un petit peu baissé. Massage avec inspiration profonde et expiration saccadée en faisant des ks, ks, ks, ks. Et ça pour environ 4 minutes. L'objectif, il est de réveiller la réactivité du diaphragme. Après, on va passer au réveil du visage, les articulations. Même en fin de journée, on a besoin de décontracter. Donc ça, environ pendant 8 minutes. On libère ce qu'on appelle les résonateurs. On fait du bâillement provoqué pendant 2 minutes. Massage des tempes, de l'articulation temporomandibulaire, 2 minutes. Grimaces et langue pendant 2 minutes. Des belles grimaces, hein, ce qu'on appelle le lion, le mâchage de chewing-gum à l'américaine. On n'hésite pas de se bouger l'articulation de la bouche. Et puis on passe aussi, après ça, on peut penser au virelangue. Alors les virements, virelangue, c'est... Ah, pourquoi Pépita, sans répit m'épis-tu dans les bois, Pépita, pourquoi te tapis-tu? Tu m'épis sans pitié, c'est piteux de mes pieds, Pépita, saurais-tu t'en passer? Babette a fait bombance dans le bateau de Bob. Bonjour, madame la saucissière, combien vendez-vous ces saucisses-là? Si chaud. Chocolat, sont-ils aussi chauds quand ces six chocolats-là font-ils leur chaud? 5 chiens chassent 6 chats. 33 tortues trottent sur 33 trottoirs très étroits. Tu t'entêtes à tout tenter et tu te tues à t'en tenter. Allons chez ce cher Serge. Et dès comme ça, il y en a une multitude qui vous permet d'avoir une très bonne prononciation et articulation pour le chant. Ensuite, on peut passer à ce qu'on appelle les vocalises. Alors, il ne faut pas chercher la puissante tout de suite. D'abord le placement en faisant des humming du style. Après, il y a des trilles de lèvres ou de langue, comme le bébé. Et pour détendre les cordes et le diaphragme, il y a la méthode de la paille, ce qu'on appelle le lax vox. Il suffit simplement de remplir un verre d'eau en moitié plein et l'autre en moitié vide, de prendre une paille assez petite et de souffler légèrement à faire des bulles, mais toujours régulières dans le récipient. Ou alors, après, partir sur des vocalises du style ma ma ma ma ma ma ma ma ma ma ma ma ma ma ma ma ma ma ma ma ma ma ma ma ma ma ma ma ma ma ma ma ma ma ma ma ma ma ma ma ma ma ma ma ma ma ma ma ma ma ma ma ma ma ma ma ma ma ma ma ma io io io io a io io io io a io io io io a io io io io a io io io io a etc etc. Et puis pour travailler un petit peu la colonne d'air, le souffle, la respiration bien contrôlée, il y a cet exercice aussi. Ie o ya. Et si on prend pas assez d'air, Iye-yo-ya. Et là, on en arrive à un autre exercice pour faire redescendre un petit peu tout ça. C'est un exercice que pratiquent souvent les gens qui font du métal. Ils vont travailler le vocal fry. Voilà, c'est un petit peu du style vocal fry, vocal fry, vocal fry. Voilà, et des exercices comme ça, il y en a plein d'autres. Vous les avez sur YouTube, sur les profs de chant, un petit peu partout. Voilà en quelque sorte ce que je pouvais vous donner, moi, à mon humble niveau, de ce que je pratique de temps à autre avant de chanter. Ensuite, on peut faire des sirènes légères, du grave à l'aigu, des arpèges doux sur des « mm » ou sur des « ou ». Pourquoi tout ça, c'est capital ? Ça permet à réduire le stress, c'est une gestion optimale de l'air, une résonance plus libre, moins de fatigue, moins de blessures vocales. En conclusion, un chanteur ne chauffe pas sa voix, il prépare son corps entier, car la voix n'est pas un instrument que l'on possède, c'est un instrument que l'on est. Merci. Chanter est un sport, c'était la chronique numéro 1 par Didier.